Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il commence souvent en petit. En voulez-vous une illustration ? À l'âge de 17 ans, un jeune Américain, Dwight Moody, quittait la maison pour s'engager dans un magasin de chaussures. Adolescent, il n'acceptait guère les conseils de ses aînés. Et pourtant, il était profondément malheureux. Le jour est venu où son moniteur d'école du dimanche, employé dans le même magasin, lui a parlé du salut et le jeune homme s'est converti au Seigneur. Sa vie en était transformée et il est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. La chrétienté anglo-saxonne a été l'objet d'un véritable réveil et des dizaines de milliers de personnes ont été amenées au salut des deux côtés de l'Atlantique par la prédication vivante et puissante de Moody. Et tout avait commencé par cette conversation dans l'arrière-boutique d'un magasin de chaussures où un fidèle chrétien n'avait pas manqué son occasion pour amener au Seigneur l'âme qui était prête à le recevoir. Et l'on pourrait mentionner d'autres exemples, citer d'autres personnes que le Seigneur a largement employées. Bref, rappeler d'autres faits remarquables dans l'histoire des conquêtes du christianisme pour montrer que lorsque Dieu fait quelque chose de grand, il commence par ce qui est apparemment insignifiant. Notre titre aujourd'hui peut vous étonner. Méconnu, méconnu. De quoi s'agit-il ? Dans l'association de ces deux adjectifs, méconnu et connu, nous voyons de nombreux serviteurs et servantes de Dieu, méconnus ou peu connus ici-bas, mais connus et appréciés de Dieu à cause de leur fidélité. Les chrétiens méconnus, c'est-à-dire aussi mal connus, souvent critiqués, méprisés et calomniés, incompris et rejetés. Oui, méconnus des hommes, mais connus de Dieu. Ces mots peuvent résumer tout un chapitre d'histoire de l'Église primitive où le Seigneur s'est servi de deux disciples, peu ou pas connus du tout. Parfois le texte biblique donne leur nom, d'autres fois il les présente comme des frères et des sœurs anonymes qui ont accompli des actes exceptionnels aux répercussions éternelles. Aussi, ces compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, méconnus et anonymes, ont un message vital à nous apporter, à nous, témoins de Jésus-Christ. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, vous découvrirez 27 noms d'hommes et de femmes, tous employés par le Seigneur dans l'Église primitive de Rome. L'apôtre leur envoie des salutations, car ils sont ses collaborateurs bien-aimés. Il y a ceux qui en ont aidé beaucoup, comme la diaconesse Phoebée au verset 2, ceux qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, comme Andronicus et Junias au verset 7, ceux qui ont pris beaucoup de peine ou qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, comme Marie, Tryphène, Tryphose et Perside au verset 6 et 12. Et la liste s'allonge, chacun et chacune ayant une place dans le cœur de l'apôtre et surtout dans le cœur du Seigneur. À la fin de l'Épître aux Philippiens, Paul cite les noms de deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche. Il dit d'elle, en s'adressant au pasteur de l'Église, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, et avec mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Philippiens 4, verset 3. Si le livre des Actes et les Épîtres nous ont fait connaître un bon nombre de collaborateurs de Paul, il en est d'autres qui n'ont été enregistrés que dans les annales célestes. Ces hommes et ces femmes n'ont recherché ni les félicitations, ni les honneurs, mais ils ont été fidèles dans leur marche chrétienne et leur témoignage. Et pour leur Seigneur, c'était là l'essentiel. À cet effet, lisons quelques versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. Paul vient de mentionner Tite au verset 16 et 17 de ce chapitre, Tite qui l'envoie à Corinthe pour la seconde fois et qui repart avec « un nouveau zèle et de son plein gré ». Puis il ajoute au verset 18 « Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même. » Et verset 22 « Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. » Pourquoi l'apôtre Paul ne nomme-t-il pas dans sa lettre ses frères choisis par les églises pour apporter une collecte ? Pourtant leur louange s'est déjà répandue dans toutes les églises, tant ils ont été fidèles dans l'accomplissement de leur tâche. Et pourquoi laisse-t-il dans l'anonymat ce frère dont le zèle a été éprouvé en beaucoup d'occasions et qui montrait à l'égard des Corinthiens une très grande confiance ? Peut-être ses disciples inconnus préféraient-ils demeurer dans l'ombre, à moins que l'apôtre, soucieux de la croissance spirituelle de ses collaborateurs, ait craint de les exposer au feu de la rampe. Il voulait les protéger et éviter toute publicité à leur sujet. N'oublions pas non plus que l'apôtre s'adressait à des Corinthiens prétentieux, dont le christianisme arbitraire s'exprimait au-delà des zones d'influence de certaines personnalités, donc un christianisme qui était loin de refléter la gloire de Christ. L'apôtre s'était heurté à cet état de fait lorsqu'il avait écrit à ces mêmes Corinthiens dans sa première épître « Il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13. Ces Corinthiens s'attachaient beaucoup à ce qui était visible, au point de prendre parti pour tel ou tel serviteur de Dieu. Paul se refuse donc à leur présenter de nouvelles vedettes. Au contraire, il passe sous silence même le nom de ceux qu'il leur envoie. Les noms doivent disparaître, seul celui de Christ doit paraître. Et c'est probablement pour aider les Corinthiens à adopter une attitude entièrement différente que Paul leur recommande la libéralité, sans relever l'identité des collaborateurs qu'il a chargés de cette tâche. En tout cas, l'apôtre et ses envoyés anonymes ne se préoccupaient guère d'eux-mêmes. Leur seul souci était que la gloire de Christ éclate à travers leur service humble et caché. C'est pourquoi Paul conclut ainsi son exhortation au sujet de la libéralité. « Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. » 2 Corinthiens 8, versets 23 et 24. La gloire de Christ, est-ce là notre première préoccupation lorsque nous servons le Seigneur ? Les témoins anonymes de l'Église primitive ne recherchaient pas cette gloire seulement. Ils étaient cette gloire. Parce que leur vie glorifiait le Seigneur en toutes choses, ces frères humbles étaient pour les Corinthiens ambitieux un vivant exemple, et ils le sont encore aujourd'hui pour nous. Que se passe-t-il dans la chrétienté contemporaine, c'est-à-dire parmi ceux qui portent le nom de chrétiens ? Et que se passe-t-il au sein de l'Église fidèle de Jésus-Christ, c'est-à-dire parmi les croyants nés de nouveau et scellés par le Saint-Esprit ? Les maux qui affligeaient l'Église de Corinthe se retrouvent aujourd'hui. Combien de serviteurs de Dieu sont davantage préoccupés parfois de leur titre ou de leur renom que de la gloire de Christ ? Combien d'hommes et de femmes ambitieux s'arrogent le droit de commander alors qu'ils n'ont jamais appris à obéir ? Et combien s'attribuent une fonction en vue dans l'Église alors que Dieu ne les a pas désignés à cette charge ? Ou encore, combien veulent jouer un rôle auquel ils n'ont été ni préparés, ni appelés, ce qui ternit la gloire de celui qu'ils prétendent servir ? Et quels sont les instruments les plus efficaces dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui ? Dieu emploie en priorité des hommes et des femmes humbles et petits à leurs yeux. C'est à de tels chrétiens que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse au chapitre 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Chrétiens méconnus, vous avez recherché la gloire de Christ, et vous avez bien fait. Persévérez sur cette voie, par amour pour votre Seigneur, et en regardant la récompense qu'il prépare à ses fidèles serviteurs. Dans son ultime déclaration de foi, Paul, le grand apôtre, a une pensée profonde pour ses compagnons d'œuvre connus et inconnus. C'est pourquoi il écrit peu avant de mourir « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, verset 8. Qu'en est-il de nous ? Aimons-nous suffisamment l'avènement du Seigneur ? Ou bien sommes-nous encore obnubilés par des questions d'honneur humain et de titre ou de réputation, au point de négliger la gloire de Christ ? Pourquoi donc vouloir à tout prix une auréole ici-bas, alors que le Seigneur nous réserve une couronne au ciel, ce qui est combien supérieur, et nous partagerons sa gloire future dans la mesure où maintenant nous rechercherons cette gloire ici-bas dans notre vie de tous les jours. Alors, bon courage, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse.